Sur le clavier d'un piano, les touches blanches alternent avec les noires, et il ne peut y avoir plus de 2 touches blanches à la suite. Notre vie est un peu comme un clavier sur lequel jouent les doigts de notre Père Céleste. Que de fois il nous fait passer sans transition de la joie à la tristesse, de la louange à la supplication, de l'enthousiasme à la souffrance. Et tandis que nous suivons les expériences du patriarche Jacob, nous le voyons lui aussi tributaire de ces brusques changements de situation. Il y a quelque chose de très humain chez ce Jacob, qui réagit comme nous, qui lutte avec lui-même, et qui finalement découvre la discipline et l'éducation de Dieu pour sa vie. Après l'expérience de Peniel, où il a rencontré Dieu, ce fut celle de Sichem, où il a frôlé certains dangers. Puis celle du retour à Bethel, où il a dressé pour la deuxième fois un autel à l'Éternel. Nous lisons « Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Genèse 35, 9 à 15. À ce point du récit, il me semble que Jacob a atteint le sommet spirituel de sa carrière. Dieu vient de lui apparaître une nouvelle fois, il a confirmé le changement de son nom. Jacob, qui signifie supplanteur, est devenu Israël, qui veut dire celui qui est victorieux avec Dieu. Jacob verse de l'huile sur le monument qu'il a dressé, c'est un symbole de bénédiction et de consécration. Mais soudain, c'est le coup de tonnerre dans un ciel serein. Une épreuve inattendue s'abat sur le patriarche. À l'approche de la ville de Bethléem, Rachel, sa femme bien-aimée, est saisie des douleurs de l'enfantement. Son accouchement est pénible et elle n'y survivra pas. La tristesse d'un grand deuil éclipsera donc le bonheur causé par la naissance d'un fils. On avait préparé un berceau, il faut à la hâte préparer aussi un cercueil. Avant de rendre l'âme, Rachel a nommé cet enfant Benoni, ce qui veut dire « fils de ma douleur ». Mais en ce moment tragique, Jacob est encore tout pénétré de sa rencontre avec Dieu à Bethel. La profonde douleur de la séparation d'avec sa bien-aimée Rachel ne l'empêche pas d'élever un regard de foi au-delà des circonstances vers celui qui est présentement à la droite de Dieu. Aussi affirme-t-il avec vigueur sa foi en l'auteur des promesses et en l'avenir qui vient de lui être révélé. Et il donne un autre nom à son fils, Benjamin, ce qui signifie « fils de ma droite ». C'est comme si, dans son grand deuil, Jacob découvrait alors quelque chose de l'espérance de la résurrection. « Non, la mort ne triomphera pas, fils de ma douleur. C'est l'espérance de la résurrection qui l'emportera, fils de ma droite. » Le grain de blé ne porte du fruit que s'il tombe en terre pour y mourir. C'est ce que disait le Seigneur Jésus dans l'Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le corps de Rachel a été déposé en terre. Mais en quelle terre? N'est-elle pas à l'avance bénie par Dieu, cette terre de Bethléem où 20 siècles plus tard, Christ naîtra? À Bethléem, en cette première occasion où ce nom est mentionné dans la Bible, la douleur et le triomphe se sont rejoints. Fait remarquable, cette dualité apparaît chaque fois qu'il est question de Bethléem dans la Bible. Ainsi, dans la touchante histoire de Ruth, lorsque Naomi, la belle-mère de Ruth, revient à Bethléem après plusieurs années d'exil, dans la souffrance, l'amertume et les larmes, elle y découvre aussi la récompense, l'espérance d'une postérité et la perspective messianique exprimée dans l'annonce de la naissance de David. 150 ans plus tard, nous trouvons à Bethléem David, le jeune berger. Il a dû d'abord se défendre contre un our et contre lion, 1 Samuel 17, 37. Mais c'est là qu'il a été oint comme roi d'Israël, 1 Samuel 16, 13. Après le combat dans la faiblesse, ce fut l'onction royale du plus célèbre des souverains terrestres d'Israël. Et lorsque des siècles plus tard, le prophète Michée annonce la future naissance du Fils de Dieu à Bethléem, il fait ressortir à nouveau cette dualité, contraste entre la faiblesse et la puissance. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Michée 5, 1. Et c'est ainsi que la proclamation du Michée, au 7e siècle avant l'ère chrétienne, a préparé les hommes au plus grand événement de l'histoire, celui qui s'est accompli à Bethléem par la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Est-il surprenant que, dans les circonstances de cette naissance, apparaisse à nouveau, et cette fois de la manière la plus éclatante, la dualité du message de Genèse 35, la douleur et le triomphe? Avant sa naissance, Jésus-Christ était déjà rejeté par les hommes. Joseph et Marie ont frappé en vain à la porte de l'hôtellerie de Bethléem. Ils ont dû se contenter d'une étable comme salle d'accouchement et de simples bergers comme adorateurs du roi des rois. Mais au-dessus de l'humble cadre de cette grotte-écurie où Jésus est né, le triomphe du ciel sur l'enfer a fait éclater le concert des armées célestes. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Luc 2, 14. Cependant, le chant des anges au ciel n'a pas empêché les larmes sur la terre. Bethléem a aussi été la cité de douleur, lorsque Hérode, le roi jaloux du bébé né roi, a ordonné le massacre de tous les enfants de la région. Le prophète Jérémie avait prévu ce drame et dans son langage imagé, il avait évoqué de nouvelles larmes versées par Rachel. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Jérémie 31, 15 et Matthieu 2, 18. Oui, l'ombre de Ben-Oni, fils de ma douleur, s'est une fois de plus profilée sur Bethléem, cité originaire de l'homme de douleur. Cependant, l'Écriture déclare « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Psaume 126, 5 à 6. C'est en effet en vertu de son sacrifice douloureux à la croix que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est élevé victorieusement sur le trône de sa gloire. Après avoir été fils de ma douleur, il est devenu fils de ma droite. N'est-ce pas ce triomphe que Dieu annonçait par la bouche du psalmiste? Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Psaume 110, 1. Fils de ma douleur, Ben-Oni. Fils de ma droite, Benjamin. N'est-ce pas là Jésus-Christ dans ses deux venues sur notre terre? La première en homme de douleur, la deuxième en vainqueur, sorti de la droite de Dieu. C'est pourquoi, à diverses reprises, la Bible évoque à la fois les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Luc 24, 26, 1 Pierre 1, 11 et 5, 1. Ces deux aspects de l'œuvre de Christ dépendent l'un de l'autre. Écoutons la déclaration de l'apôtre Paul à cet effet. Il apparut comme un vrai homme, Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 7 à 11. Avec beaucoup d'à-propos, l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend ce thème. Le Fils est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Hébreux 1, 3. Mais revenons à Jacob. Qui aurait cru que Dieu avait déposé dans l'expérience douloureuse de son grand deuil le plus puissant germe de vie, l'espérance la plus glorieuse, la vérité la plus profonde, la nouvelle la plus transcendante, Jésus-Christ, celui qui est venu une première fois comme homme de douleur et qui reviendra une seconde fois pour s'imposer au monde comme le Fils de la droite de Dieu. Chers auditeurs, peut-être passez-vous par l'épreuve, par la souffrance, par une douleur profonde, intime, inavouée aux hommes, mais connue de Dieu. Regardez au-delà de l'expérience présente, vers l'espérance à venir. Après le cercueil, le berceau. Après Benoni, Benjamin. Après la douleur, le triomphe. Après la mort, la résurrection. Après le désespoir, l'espérance. Après les larmes, la joie. Après la douleur avec Christ, la récompense décernée par celui qui est à la droite de Dieu. Et après les sombres perspectives des événements contemporains, le triomphe du Fils de Dieu sur les hommes. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 17 à 18. Dans sa suprême épreuve, Jacob ne s'est pas laissé abattre, mais il a regardé aux puissances invisibles du siècle à venir. Que le Seigneur nous accorde à tous, chers auditeurs, ce même regard de foi, cette même certitude, cette même espérance glorieuse en Jésus-Christ notre Seigneur et en son glorieux retour.